Kanyangi. Nous sommes lundi 10 mai, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. 8 personnes sont mortes la nuit de ce dimanche à lundi en commune Provence Mouramvia suite à une embuscade tendue. Les rescapés demandent le renforcement de la sécurité sur ce tronçon. Et dans cette édition, on revient sur le bilan sécuritaire depuis avril de cette année. Et les habitants du quartier Mouchacha 2 en zone de Gatumba en province Bujumbura disent vivre dans une précarité sans nom et suite à la montée des eaux du lac Tanganyika et demandent au gouvernement de leur venir en Ned. Et dans la chronique sportive de ce lundi, on revient sur le badminton qui est un sport pratiqué en dehors des salles, appelé en anglais Eya Badminton. La mise en onde, c'est dans cette édition mise en onde par Innocent Ibonimana. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, page sécurité pour débuter cette édition. 8 personnes sont mortes et d'autres blessées dans une embuscade de la nuit de ce dimanche à lundi sur la route Bujumbura-Gitega en commune Provence Mouramvia. Des enquêtes sont en cours pour connaître des auteurs de ce crime selon la police. Après l'attaque de ce dimanche, le bilan des personnes mortes et fusillées est porté à 17. Le point avec Armel Moutore. Depuis le début du mois d'avril cette année, 17 personnes sont mortes tuées dans des fusillades dans les provinces de Ngaro et de Mouramvia. Dans la nuit de ce dimanche 9 mai 2021, 8 personnes, dont un officier de l'armée burundaise, sont mortes tuées dans une embuscade tendue sur 4 véhicules sur la route Bujumbura-Gitega en commune et province Mouramvia. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les auteurs de cette attaque, selon la police. Une autre attaque survenue cette année s'était produite le vendredi 17 avril 2021 dans un bar du nommé Epitas au chef-lieu de la commune Rusaka en province Mwaro où 7 personnes avaient perdu la vie et 3 autres blessés. 2 autres personnes, dont un enfant de la 6e primaire et un domestique, ont été tués, fusillés en date du 4 avril de cette année dans le foyer du chef de zone Makamba de la commune Rusaka, foyer situé cette fois-ci sur la colline Gihinga de la commune Kayokwe, toujours en province Mwaro. Après l'attaque de ce dimanche sur son compte Twitter, le chef de l'État burundais Évariste Ndayishimiye condamne ces tueries et dit qu'ils doivent être combattus. Il termine son message en présentant ses condoléances aux familles des victimes. Armel Moutore, parlant toujours de cette embuscade, les rescapés font savoir que les hommes à main armée ont tiré en désordre sur tout passager et demandent le renforcement de la sécurité sur la partie reliant Bugarama et Mouramvia, car disent-ils, ce n'est pas pour la première fois que ce genre de drame s'y produit. Les détails avec Fidel d'Antoine Sabiman. Selon les informations reçues auprès des rescapés de cette attaque qui a eu lieu entre la rivière Mubarazi, le chef-lieu de la province Mouramvia, tout près de la route Mena à Gweza, juste à côté du bureau provincial de la Croix-Rouge et branche de la province Mouramvia, les passagers qui se trouvaient à bord du bus du compagnie Volcano sont encore sous le choc et n'osent pas parler de ce qui s'est passé. Un de ces passagers de ce bus, Quaster, qui suivait les deux voitures brûlées, nous a révélé qu'il a entendu un malfaiteur crier, tirer sur ses passagers du Volcano, ils appellent au secours de la police. Selon toujours notre source, directement un jet de grenade a brisé les vitres du bus et des coups de tir s'en est suivi, faisant des blessés et des morts dans le bus. Au moment où les deux voitures de Deva brûlaient, la voiture Probox qui était juste derrière le bus a pu retourner jusqu'à la rivière Mubarazi. Un des passagers de cette voiture nous a dit qu'ils ont attendu 30 minutes avant d'aller voir s'il y a eu intervention policière ou militaire. De retour, il nous parle ce qu'il a vu sur le lieu du drame. Par la fraîcheur de feu, il est venu une voiture Probox en provenance de Mouramvia qui a passé dans le feu et a évacué certains blessés. À notre arrivée tout près du bus de Volcano, les deux autres voitures qui brûlaient, on a vu des corps sans vie et d'autres qui gisaient par terre. Il y avait beaucoup de sang Ils ont lancé des grenades accompagnées de beaucoup de tirs d'officier. On n'a pas pu s'approcher des cadavres, mais comme ils étaient par terre, paraît-il qu'ils voulaient se sauver. Ce passager révèle que ces malfaiteurs ont commencé à barrer la route par des pierres, ce qui pourrait être à l'origine des dérapages des véhicules qui ont été la cible des tirs. Les voitures ont dérapé car la route était barrée par ces malfaiteurs. On a vu aussi dans la route beaucoup de pierres utilisées pour bloquer la route. Normalement, ici chez nous, on roule à droite, mais tous les véhicules se sont cognés sur le côté gauche. Les usagers de la route nationale numéro 2 Bugarama-Gitega demandent qu'il y ait des positions militaires et policières sur la partie reliée à Bugarama-Muramvya, car, disent-ils, ce n'est pas la première fois qu'il se produit des embuscades en main armée. Fidèle d'Antoine Nsabimana, quittons la province Muramvya, mais toujours en page sécurité, pour nous rendre en province Kayanza, c'est au nom du Burundi, aux 5 kiosques du marché du centre de Buraniro de la commune Butaganzwa, en cette province de Kayanza, ont pris feu avec toutes les marchandises conservées à l'intérieur. Dans la matinée de ce lundi, les informations fournies par l'administration provinciale à Kayanza précisent que la cause de l'incendie est liée au problème de court-circuit déclenché dans l'une des kiosques brûlés. L'administrateur communal de Butaganzwa, quant à lui, fait savoir que l'incendie a été vite maîtrisé par la population avant qu'elle ne cause beaucoup de dégâts. Il appelle les commerçants à se regrouper en associations et coopératives afin d'assister les victimes en cas de tels accidents. Rémi Chicherai, gouverneur de la province de Kayanza, de son côté, demande aux commerçants de penser toujours à assurer leur bien. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition à 13h03 dans les studios de la radio Isanganiro. Les habitants du quartier Mouchacha 2 de la zone Gatumba en province Bujumbura vivent dans une précarité suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro indiquent qu'ils n'ont pas de logement ni de nourriture. Ils demandent au gouvernement de leur venir en aide. Le ministère ayant la solidarité dans ses attributions fait savoir qu'il travaille en synergie avec d'autres ministères pour secourir cette population. Le point avec l'idée. Arrivé au quartier Mouchacha 2, à 50 mètres de la route nationale Bujumbura-Gatumba, on observe de l'eau ressemblant au lac, des maisons à moitié ici et là de l'autre côté. On voit des maisonnettes en tente qu'habitent les habitants du quartier Mouchacha 2, victimes des inondations. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro disent qu'ils passent la nuit à la Belle Étoile suite au manque de logement. Ils déplorent également d'un manque criant de la nourriture. Ici, la vie vraiment est difficile. Nos maisons sont inondées. Nos enfants, comme nous, passons la nuit dehors. Nous n'avons pas où aller. Auparavant, nous habitons dans des maisons comme les autres. Mais voilà, nos maisons étaient inondées. Nous n'avons pas d'argent pour louer d'autres maisons. C'est impossible. Nous n'avons pas même d'emploi. Ces victimes des inondations dénoncent des différentes maladies observées dans cet endroit et ils demandent une aide en urgence. À ma toilette. Des toilettes sont remplies d'eau. Il y a beaucoup de microbes. Personne n'intervient pour assainir le lieu. C'est vraiment dommage. Ça dégage d'odeurs nauséabondes. Nous sommes attaqués par des maladies comme le paludisme et les maladies de la peau. Le ministère ayant la solidarité dans ses attributions dit qu'il est en collaboration avec les autres ministères et des organisations pour pouvoir secourir ses victimes. Félix Ngendabanyikwa, il est secrétaire permanent au ministère de la Solidarité. On est en train aussi de délimiter plus de 700 parcelles où on pourra caser ces personnes en collaboration avec l'ONG OIM. Il y a déjà les fonds disponibles pour la construction des maisons transitoires pour habiter ces gens. S'agissant de ce qui est de l'alimentation, on est en contact avec l'OPAM. On est au courant que l'OPAM pourra venir en aide aussi à ces communautés de Gatumba. Surtout que les eaux continuent à monter, donc il y a déjà des conséquences qui se passent là-bas. Pour ce qui est de l'hygiène, on est bien aussi en contact avec le ministère de la Santé pour pouvoir assainir les lieux par des pompages que l'on met dans la localité pour peut-être désinfecter les lieux pour que les gens ne puissent pas avoir des maladies de main sale. Nous sommes très conscients que nos communautés sont dans des difficultés énormes. C'est pourquoi on travaille de façon collégiale avec les autres ministères, avec les partenaires pour pouvoir secourir ces gens. Le plan d'aménagement intégré du littoral du lac Tanganyika et la nécessité de la protection des sinistrés des zones inondées ont été analysés au Conseil des ministres mercredi de la semaine passée. Lydie Gahimbare et les travaux de pavage devant les parcelles se trouvant près des routes atteignent 55% dans la commune urbaine de Mukaza. Renova Sindeyebura, administrateur de cette commune qui donne ces chiffres, indique qu'il est interdit de couper les arbres dans ces endroits. Suivez-le au téléphone avec Omer Ndouayou. Le programme de pavage devant les maisons, surtout dans les quartiers à usage commercial de la zone de Rogero, devrait être clôturé au 31 avril pour débuter avec d'autres projets avec le 1er mai. Mais le constat est que le travail a été exécuté à un pourcentage qui est situé entre 55 et 60%. Nous avons fait une évaluation et nous avons trouvé que ceux qui n'ont pas encore exécuté ce programme sont de trois catégories. La première catégorie, la catégorie des personnes qui n'ont pas de moyens financiers suffisants pour exécuter ce programme. À cela, nous avons opté pour les accompagner, pour étudier leur cas de façon collective. L'essentiel, c'est qu'eux aussi sont sensibilisés pour cette activité. La deuxième catégorie de personnes, c'est la catégorie des organisations non gouvernementales, des sociétés étatiques, ainsi que des bureaux administratifs de l'État qui, à un certain moment, n'ont pas de budget pour ça. La mesure a été prise au mois de décembre et le budget coule de juillet à juin. Donc, nous comprenons que si ça ne figure pas au niveau du budget de fonctionnement, on ne devrait pas avoir ce budget pour l'exécution de telles tâches. Et nous les avons sensibilisés et plusieurs ont accepté de mettre l'argent nécessaire pour réaliser cette activité au niveau du budget de 2021-2022. On parle du déracinement d'arbres dans l'Ohéro. N'avez-vous pas peur de la destruction de l'environnement? Non. Pour les personnes qui pensent que c'est un moyen de détruire l'environnement, je leur dirais que ce n'est pas vrai parce que celui qui coupe un arbre doit avoir une autorisation et ceux qui ont coupé les arbres soi-disant qui sont en train de paver ont fait une faute lourde alors que nous avons déjà commencé à sensibiliser la population qui a déjà fait ce programme de pavage. De retourner en arrière et d'enlever deux ou trois pavés pour y mettre un arbre qui pourra nous aider au niveau de la protection de l'environnement. Renova Sindeyebura, administrateur de la commune urbaine de Mukaza, vous voudrez bien nous excuser de la qualité sonore de cet élément puisqu'on parle infrastructure une semaine et demie à compter de ce lundi, le temps nécessaire pour l'aménagement d'une déviation afin de permettre la continuité du trafic sur la rivière Kilasa dont le pont sur la route nationale numéro 3 s'est effondré. Cette affirmation est des ingénieurs de l'agence routière du Burundi rencontrés sur place ce lundi matin, ceux dont les parcelles sont concernées par l'aménagement de cette déviation déjà commencé la démolition des infrastructures y érigées. Le point avec Jean-Pierre Misago. Sur les rives de la rivière Kilasa en commune Muta, les propriétaires des boutiques dans les parcelles concernées par l'aménagement d'une déviation sur cette rivière procèdent à la démolition de leurs boutiques. Ils ne s'expriment pas au micro, mais disent qu'ils sont inscrits sur la liste dressée par l'administrateur communal de ceux qui doivent déménager pour l'aménagement de cette déviation. Il déclare attendre encore l'indemnisation. Sur place, deux ingénieurs de l'agence routière du Burundi ARB en sigle disent être venus pour commencer l'aménagement d'une déviation sur la rivière Kilasa afin de permettre provisoirement la continuité du trafic sur la RN3 en attendant des études pour la réhabilitation du pont sur la rivière Kilasa dernièrement effondré. Il faudra, selon ces employés de l'ARB, une semaine et demie pour rendre opérationnelle cette déviation et c'est l'agence routière du Burundi qui va exécuter ces travaux avec, dans un premier temps, du matériel loué à l'entreprise chinoise Sinohydro qui construit une centrale hydroélectrique sur la rivière Ruzibazi à la frontière des communes Rumonge et Bugarama, toutes de la province Rumonge. Entre-temps, les marchandises achetées à Bujumbura, comme les produits de la Brarudi et les matériaux de construction, commencent à se raréfier dans les provinces Rumonge et Bururi, au moment où des hommes forts s'enrichissent avec ce transport à la tête ou à vélo des marchandises franchissant la rivière Kirasa. Jean-Pierre Misago, depuis les rives de la rivière Kirasa, Radio Isanganiro. À 13h11 dans le studio de la radio Isanganiro, parlant commerce, l'association des commerçants transfrontaliers en République démocratique du Congo se réjouit de l'annonce de réouverture du poste frontalier de Gatumba par le gouvernement burundais. À Blanco Bitakwira, président de cette association, demande cependant que les tests au COVID-19 sur la frontière soient gratuits. Suivez-le au téléphone avec Linibel Nibigira. Nos petits commerçants transfrontaliers de l'Est de la RD Congo en général, et ceux d'Ouvira en particulier, saluons l'effort déployé par le gouvernement de la République du Burundi et la République démocratique du Congo pour la lutte contre le coronavirus et la reprise du commerce transfrontalier ici bientôt, comme a stipulé le ministre de la Santé publique au Burundi. Nous remercions vivement les communiqués de presse du gouvernement du Burundi sur la réouverture de la frontière de Gatumba. Et d'ailleurs, nous devons savoir, nous tous, Burundais et Congolais, que les petits commerçants ne passent pas la nuit au Burundi. Il faut leur mouvement aller effectuer. Les personnes à faible revenu, comme nous le savons tous, les petits commerçants sont très dissuasifs. Pour des commerçants en capitaux n'atteignant même pas les seuils définis par commerçants, les formalités sanitaires de dépistage du COVID-19 devraient en effet être gratuites. Et ce test devrait être installé au niveau de la frontière. Dans le souci de mieux faciliter le commerce transfrontalier, nous voudrions solliciter au gouvernement du Burundi de ratifier le régime commercial simplifié RECOS et l'harmonisation de la liste commune des produits éligibles au commerce transfrontalier entre les petits commerçants transfrontaliers du Burundi et de la RDC. Nous voudrions réitérer notre demande au gouvernement de la République du Burundi, la République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation internationale d'immigration, les communautés sous-régionales comme COMESA, East Africa Community et d'autres organisations comme Trademark East Africa et Alerte internationale à poursuivre leurs efforts d'appui à la reprise totale du petit commerce transfrontalier étant un élément commun de la consolidation de la paix dans le cadre de la cohésion sociale et la sécurité transfrontalière en prenant les coûts des tests COVID-19 à la traversée à leur charge pour les petits commerçants transfrontaliers qui sont identifiés. Nous demandons encore au gouvernement burundais de faciliter non seulement les documents sanitaires, mais aussi les documents migratoires. Parlons encore COVID-19, mais cette fois c'est en province Bubanza où certains des habitants de cette province ne respectent plus les mesures barrières contre le COVID-19. Pas de dispositif de lavage des mains dans les lieux de rassemblement et nombreuses sont les personnes ne portant pas de masque. C'est dans ce cadre que Cléophas Nezigimana, gouverneur de cette province, a sorti un communiqué lu dans toutes les églises hier, appelant la population à appliquer ces mesures. Il précise également que l'administration provinciale va bientôt commencer des descentes de contrôle dans toutes les communes de cette province. Une information que nous devons à Spes Caritas et Kabanyana, notre correspondante en province Bubanza. Radio Isanganiro, chronique sport. Le badminton pratiqué en dehors des salles, appelé en anglais air badminton, est pratiqué en utilisant les volants adaptés dans le vent. Explication de Nicolas Bikolimana, directeur technique national au sein de la Fédération burundaise de badminton. Il précise que la différence entre air badminton et le badminton de salle se trouve sur l'effectif des joueurs ainsi que les dimensions des terrains. La chronique sportive de ce lundi avec Marie-Claire Kazenez. Eya Badminton est un jeu de badminton qui a la particularité de se jouer à l'extérieur de la salle. Propos de Nicolas Bikolimana, directeur technique national au sein de la Fédération burundaise de badminton. Le Eya Badminton, c'est un jeu de badminton, mais qui a la particularité de se jouer à l'extérieur de la salle. Donc, on est venu pour résoudre le problème des pays qui n'ont pas de salle et qu'on puisse alors pratiquer ce jeu allée, donc je dirais à l'extérieur, avec du vent. Alors on a essayé de chercher des voiles qui sont adaptées, mais je dirais qu'on est toujours en expérimentation, des voiles qui peuvent être faciles à jouer par les badistes. Il précise que les volants utilisés dans le badminton sont différents de ceux de Air Badminton. Les volants qu'on utilise en badminton sont différents par rapport aux volants utilisés dans le Air Badminton. Parce que vous comprenez que jouer à l'extérieur face aux contraintes du vent et jouer à l'intérieur de la salle, les difficultés ne sont pas les mêmes. Ce directeur technique national de la Fédération burundaise de badminton fait savoir que lorsque la pluie tombe, tous les joueurs ne peuvent pas continuer à jouer quand le terrain devient glissant. Pour le Air Badminton, le problème qu'on a, c'est que quand la pluie tombe, le jeu s'arrête. Ou bien, ça peut être sur un terrain non bâti, ça peut être glissant. La solution, c'est qu'on joue sur des terrains de basket ou des terrains de volley. On essaie d'adapter pour jouer à ce niveau. Sinon, jouer sur un terrain battu, il y a des contraintes qui font que ça ne permet pas à bien jouer. Dans la prochaine chronique sportive, Nicolas Bikolimana expliquera le genre de badminton qu'on appelle parabadminton, qui est pratiqué par les personnes vivant avec le handicap. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mireille Kanyangi.